Ruth chapitre 2. Or le mari de Naomi avait là un parent, homme fort et vaillant, de la famille d'Elimelec, qui avait nom Boaz. Et Ruth la Moabite dit à Naomi, « Je te prie que j'aille au champ, et je glanerai quelques épis après celui devant lequel j'aurai trouvé grâce. » Et elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle s'en alla donc, et entra dans un champ, et glana après les moissonneurs, et il arriva qu'elle se rencontra dans un champ qui appartenait à Boaz, lequel était de la famille d'Elimelec. Or voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit aux moissonneurs, « L'Éternel soit avec vous. » Et ils lui répondirent, « L'Éternel te bénisse. » Puis Boaz dit à son serviteur qui avait charge sur les moissonneurs, « À qui est cette jeune fille ?» Et le serviteur qui avait charge sur les moissonneurs, répondit, et dit, « C'est une jeune femme moabite, qui est venue avec Naomi du pays de Moab. » Et elle nous a dit, « Je vous prie que je glane, et que j'amasse quelques poignées après les moissonneurs. » Étant donc entrée, elle est demeurée depuis le matin jusqu'à 7 heures. C'est là le peu de temps qu'elle a demeuré en la maison. Alors Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va point glaner dans un autre champ, et même ne sors point d'ici, et ne bouge point d'ici d'auprès de mes jeunes filles. Regarde le champ où l'on moissonnera, et va après elle. N'ai-je pas défendu à mes garçons de te toucher? Et si tu as soif, va au vaisseau, et bois de ce que les garçons auront pisé. » Alors elle tomba le visage contre terre, et se prosterna, et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce devant toi, que tu me connaisses, vu que je suis étrangère ?» Boaz répondit, et lui dit, « Tout ce que tu as fait à ta belle-mère, depuis que ton mari est mort, m'a été exactement rapporté, et comment tu as laissé ton père et ta mère, et le pays de ta naissance, et tu es venu vers un peuple que tu n'avais point connu auparavant. L'Éternel récompense ton œuvre, et que ton salaire soit entier de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu t'es venu retirer. » Et elle dit, « Mon Seigneur, je trouve grâce devant toi, car tu m'as consolé, et tu as parlé selon le cœur de ta servante, et cependant je ne suis point, autant que l'une de tes servantes. » Boaz lui dit encore, « À l'heure du repas, approche-toi d'ici, et mange du pain, et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Et elle s'assit à côté des moissonneurs, et il lui donna du grain rôti, et elle en mangea, et fut rassasiée, et serra le reste. Puis elle se leva pour glaner, et Boaz commanda à ses garçons, en disant, « Qu'elle glane même entre les javelles, et ne lui faites point de honte. Et même vous lui laisserez, comme par mégarde, quelques poignées, vous les lui laisserez, et elle les recueillera, et vous ne l'en censurerez point. » Elle glana donc au champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait recueilli, et il y eut environ un épha d'orge. Et elle l'emporta, et vint en la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle tira aussi ce qu'elle avait serré de ce qu'elle avait eu de reste, après qu'elle eut été rassasiée, et elle le lui donna. Alors sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui, et où as-tu fait ceci ? Béni soit celui qui t'a reconnu. » Et elle déclara à sa belle-mère chez qui elle avait fait cela, et dit, « L'homme chez qui j'ai fait ceci aujourd'hui, s'appelle Boaz. » Et Naomi dit à sa belle-fille, « Béni soit-il de l'Éternel, puisqu'il a la même bonté pour les vivants qu'il avait eu pour les morts. » Et Naomi lui dit, « Cet homme nous est proche parent, et il est un de ceux qui ont le droit de retrait lignagé. » Et Ruth la Moabite dit, « Et même il m'a dit, « Ne bouge point avec les garçons qui m'appartiennent, jusqu'à ce qu'ils aient achevé, toute la moisson qui m'appartient. » Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Ma fille, il est bon que tu sortes avec ces jeunes filles, et qu'on ne te rencontre point dans un autre champ. » Elle ne bougea donc point avec les jeunes filles de Boaz, afin de glaner, jusqu'à ce que la moisson des orges, et la moisson des froments fût achevée, puis elle se tint avec sa belle-mère.